britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. La composition inattendue de son ministère ressemblait à une de ses aquarelles. Il y avait conjugué Mitterrand, premier socialiste entrant au gouvernement, et Gallifet, le massacreur de la Commune. Cela n'alla pas sans remous parlementaire. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Le terme est tout neuf dans l'histoire du socialisme français, mais la chose est fort ancienne. Je parle des frondeurs, une expression dont on peut dater l'enracinement en mars ou avril 2014, lorsque quelques dizaines de députés du PS refusèrent de voter la confiance au nouveau gouvernement formé par Manuel Valls. Il s'affirmait sur sa gauche, en réclamant un nouveau contrat de majorité qui donnerait plus de place au pouvoir d'achat et au soutien de la consommation, aux dépens de la réduction des déficits et des aides aux entreprises. Les frontières de ce groupe, depuis 2 ans, ont été mouvantes au gré des péripéties à court terme de la vie publique. Mais il n'a pas cessé d'être présent, actif, insistant et parfois tonitruant. Or, il serait indu de croire qu'une telle contestation du socialisme quand il est au pouvoir, depuis l'intérieur même du parti, constitue un phénomène inédit. Tout au contraire, cette contestation a surgi chaque fois que les socialistes ont occupé le pouvoir, chaque fois qu'ils ont quitté le confort paradoxal de l'opposition. Et c'est de cette constante résurgence, depuis la fin du XIXe siècle, que nous allons nous préoccuper ce matin avec Marc Lazare, professeur des universités à Sciences Po, où il dirige le Centre d'Histoire. Il s'agira de discerner avec lui, qui est familier de l'histoire politique de la France et de celle des gauches au premier chef, ce que furent les ressorts de ces affrontements, leur rythme, leur portée et leurs conséquences, autant concrètes qu'affectives ou idéologiques. J'ai quitté très normalement le gouvernement, car il ne peut y avoir deux politiques au gouvernement. Mais s'il ne peut y avoir deux politiques au gouvernement, il peut y en avoir deux dans le parti. Je ne sous-estime pas le bilan positif, très considérable. Je connais la rudesse des tâches du gouvernement, en particulier celle du Premier ministre. Mais je crois devoir vous dire, je crois qu'il est de mon devoir de vous dire, que je ne pense pas que le parti qui a été pris soit le bon. Je parlerai essentiellement de la politique économique, je pourrais parler de bien d'autres choses, bien entendu, mais je me bornerai à cela, étant donné le peu de temps dont je dispose. Je crois que la conception sur laquelle est assise la politique économique actuelle n'a rien de particulièrement socialiste. Jean-Pierre Chevènement, qui a recommandé tout à l'heure à tous de relire attentivement le contenu du projet du Parti socialiste, s'est référé à une phrase de Lionel Jospin, « La politique de rigueur est une parenthèse à une réalité imposée » pour lancer cette mise en garde. On croit quelquefois ouvrir une parenthèse, et puis on s'aperçoit que c'est un virage. Et si nous ne réagissons pas, bientôt, il prendra la figure du destin. Marc Lazare, bonjour. Bonjour. Vous avez sûrement, j'en suis sûr, reconnu la voix de Jean-Pierre Chevènement. C'est un extrait de son discours au congrès de Bourg-en-Bresse, au congrès du Parti Socialiste, en 1983, où il explique les raisons de son départ tout récent du gouvernement. C'est un extrait d'Interactualité, le 28 mai 1983, et c'était Arlette Chabot qui tenait l'antenne. J'ai choisi ce bref extrait parce qu'il me paraît marquer la résurgence, la réapparition d'un comportement qui se rencontre très fréquemment depuis le début du XXe siècle, la fin du XIXe siècle. Absolument. Ici, on est dans un contexte particulier le Parti socialiste est confronté à ce que l'on a appelé d'ailleurs improprement le tournant de la rigueur. Il y a tout un débat chez les historiens aujourd'hui sur cette question de la façon dont cette rigueur s'est imposée. Mais laissons cela de côté pour le moment. Mars 83. Nous sommes effectivement en mars 83, dans ces jours qu'on a considérés un peu dramatiques, autour desquels François Mitterrand a hésité, mais où finalement il a pris une décision. Mais depuis déjà 1982, un certain nombre de contre-feux par rapport à ce qui avait été annoncé par François Mitterrand était mis en place. Mais peu importe de ce point de vue-là, sur cette question, sur ce débat qui oppose parfois les historiens sur la manière de dater exactement cet infléchissement de la politique économique, cette parenthèse, comme dira Lionel Jospin, qui est à l'époque le premier secrétaire. Non, je crois que dans ce document, on est au cœur de nos débats et de notre conversation. C'était mon souhait. Eh bien, je crois qu'il est en train de se réaliser. Nous avons d'un côté cette question, finalement, des socialistes obsédantes, et puis même en général de la gauche, quel type de politique économique mener une fois qu'on est au pouvoir? Et quel type de politique économique, ça veut dire aussi quel type de politique sociale, bien évidemment. Ça, c'est le premier point. Jean-Pierre Chevènement est le leader du CRS, un des courants à l'intérieur du Parti Socialiste, et défend une option divergente de celle de la majorité de ses camarades, et surtout de celle de François Mitterrand et du Premier ministre de l'époque, Pierre Mauroy. Et puis, il y a une autre question obsédante chez les socialistes, d'hier et peut-être jusqu'à aujourd'hui, qui est, mais qu'est-ce que c'est qu'être socialiste et qu'est-ce que c'est qu'éventuellement une politique socialiste quand enfin on est arrivé au pouvoir? Les socialistes cherchent à arriver au pouvoir, pas toujours d'ailleurs, on va le voir dans leur histoire, mais notamment sous la Ve République, avec François Mitterrand en 1980, quand ils y arrivent, la grande question c'est qu'est-ce qu'on y fait? C'est la fameuse opposition proposée par Léon Blum lorsque, à la tête du Parti Socialiste, SFIO, c'était son nom de l'époque, lorsqu'il distingue conquête du pouvoir et exercice du pouvoir. Exactement, c'est le 10 janvier 1926 que Léon Blum propose cette distinction un peu difficile à comprendre. Il essaye de résoudre un des dilemmes historiques, politiques du socialisme. C'est justement qu'est-ce qu'on fait au pouvoir et qu'est-ce qu'on peut en faire et qu'est-ce qu'on y fait. Et qu'est-ce qu'on sacrifie par rapport à la dimension utopique. Exactement. Le grand idéal de la transformation radicale, ce qu'on a appelé pendant très longtemps chez les socialistes. Alors, parfois, chez les jeunes générations, ils vous regardent ébahis quand on leur rappelle ça, que les socialistes se disaient révolutionnaires, eux aussi, pendant très longtemps. Ne vous vieillissez pas, Marc Lavoine. Mais je le vois avec nos étudiants. Et effectivement, Léon Blum propose une distinction un peu compliquée à comprendre, qui est d'opposer exercice et conquête du pouvoir. L'exercice du pouvoir, explique Léon Blum en 1926, c'est si jamais les socialistes sont appelés à arriver au pouvoir parce qu'il y a une possibilité électorale, on va l'exercer pendant un temps donné, on va essayer de faire quelques réformes, mais ce n'est pas l'autre processus qui serait celui de la conquête du pouvoir, cette fois-ci, pour effectivement engager un processus irréversible qui irait vers l'instauration du socialisme, qui, à l'époque, dans les années 20, et encore pendant très longtemps, pour les socialistes français, veut dire la confiscation de la propriété privée, la collectivisation des moyens de production, le grand idéal socialiste. Ce qui nous conduit tout droit à l'aube du XXe siècle, puisque dès ce moment-là, les socialistes, regardant le pouvoir avec un mélange d'attrait et d'inquiétude, d'attirance et de refus, on s'entend bien qu'au pouvoir, il faudrait faire des concessions qui risquaient d'être périlleuses pour la pureté de la doctrine et pour les dimensions de l'espérance. On retrouve ce débat, en particulier avec l'opposition de Jules Guesde et de Jean Jaurès, opposition à laquelle je voudrais, Marc Lazare, que vous redonniez vie ce matin. Effectivement, c'est ce qui va se passer à partir de la fin du XIXe siècle, dans ce socialisme qui essaye très difficilement de constituer son unité, et qui va, qu'on résume dans le débat Guesde-Jaurès, et qui est en gros de savoir quel type de socialisme on va défendre, quel type de parti on va organiser, quel rapport à la République, et en particulier sur la question du pouvoir, faut-il aller au pouvoir tout de suite, ou faut-il attendre presque le grand soir, le grand événement révolutionnaire? Alors, tout cela est un débat important qui va cristalliser sur un cas qui est, en 1899, le cas d'Alexandre Millerand. Et Alexandre Millerand est effectivement, en France, le premier socialiste qui est confronté à cette question de l'exercice du pouvoir. Rappelez qui était Millerand, il faut dire que c'était un socialiste Bontain. Il est un socialiste bontain. Il est né en 1859. C'est un homme qui est un républicain. C'est un homme qui est un anticlérical. C'est aussi un homme qui est franc-maçon. C'est un homme qui est avocat et qui progressivement va basculer dans le socialisme. Mais un socialisme au début des années 1890. Un socialisme toujours très modéré. Il n'est pas justement, lui, un socialisme de la révolution. Il est un socialisme des petites conquêtes. N'oublions pas qu'au même moment, le socialisme est en train de conquérir des municipalités. 1882, Commentry, la première municipalité socialiste en France et dans le monde. Alors il faut rappeler quelle est la conjoncture de 1899 où se pose la question, comme on dit à l'époque, du ministérialisme. Doit-on accepter qu'un socialiste, avec l'approbation du parti, entre au gouvernement? Il s'oppose très clairement, les deux grands leaders du parti socialiste, puisque Jules Guesde est hostile à l'entrée de Millerand dans le gouvernement Valdez-Crousseau, alors que Guesde l'approuve. On voit Jules Guesde s'exclamer « Camarades, le jour où le Parti Socialiste, le jour où le prolétariat organisé comprendrait et pratiquerait la lutte des classes sous la forme du partage du pouvoir politique avec la classe capitaliste, ce jour-là, il n'y aurait plus de socialisme. » Alors que Jaurès approuve l'entrée dans le gouvernement de Valdez-Crousseau, qui est un gouvernement dont la formation s'explique en grande partie par les suites de l'affaire Dreyfus. Exactement, nous sommes dans l'affaire Dreyfus, nous sommes évidemment dans un gouvernement, enfin évidemment, Valdez-Crousseau est chargé de former un gouvernement d'union républicaine, progressiste, Dreyfusard, se pose la question pour Millerand de rentrer dans ce gouvernement. Nous sommes même le 24 juin 1899, où il devient ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Et là, se déclenche un débat à plusieurs niveaux. Un débat d'abord français. Un débat français, Jaurès, qui est un socialiste indépendant, nous n'avons pas encore l'unité des socialistes qui va être réalisée quelques années plus tard, 1905, le premier congrès fondateur de la section française de l'Internationale ouvrière. SFIO, Jaurès est favorable à l'entrée de Millerand dans ce gouvernement. La citation que vous venez de faire, c'est le fameux débat de l'hippodrome de Lille, le 26 novembre 1900, devant 8000 personnes, où s'affrontent Guesde et Jaurès. Je ne doutais pas que vous le situeriez avec précision. Il faut rappeler aussi que dans ce gouvernement entre en même temps le général de Gallifet, qui est le massacreur de la Commune. Et évidemment, ça provoque beaucoup d'hostilité chez la part des socialistes. Mais Millerand, lui, considère qu'il a quelque chose à apporter. Pourquoi ? Parce qu'il a été l'avocat aussi des mineurs de Carmaux. Parce que c'est un homme aussi qui sent qu'une partie de la base socialiste serait intéressée à des réalisations gouvernementales. Donc ça, c'est le premier débat. Disons tout de suite que Jean Jaurès va évoluer. Et que progressivement, il va condamner Alexandre Millerand, et parfois dans des propos très durs. Mais attendez, pour l'instant, il l'approuve, et je voudrais vous faire entendre le propos d'un témoin qui est Joseph-Paul Boncourt, un observateur et un acteur important de la vie politique, très longtemps, puisqu'il est mort quasiment centenaire. À l'époque, il est jeune et il est au cabinet, dans l'équipe de Valdez-Crousseau, le président du Conseil, dont il nous apprend qu'il était d'ailleurs également, à ses heures perdues, artiste peintre. La composition inattendue de son ministère ressemblait à une de ses aquarelles. Il y avait conjugué Millerand, premier socialiste entrant au gouvernement, et Gallifet, le massacreur de la Commune. Cela n'alla pas sans remous parlementaire. Des hurlements l'accueillirent. Gallifet goguenard répondait aux interrupteurs, « Assassin, voilà, voilà !» Il eut 25 voix de majorité. Mais il gouverna pendant 3 ans et il ne partit que parce qu'il le voulut bien. L'aile marchande de la République, le socialiste, jusque-là dressé en groupements rivaux, à la grande voix de Jaurès, venait de faire son unité au congrès de Japy. L'année 1899 s'achevait sur un grand espoir français et républicain. Évidemment, pour Joseph-Paul Boncourt, qui s'exprime ici dans une émission qui s'appelait « Les voyageurs du demi-siècle », le 3 janvier 1950, pour Joseph-Paul Boncourt, c'est une grande année, puisqu'il a été par la suite partisan de l'entrée des socialistes au gouvernement. Il a été membre du Parti Socialiste, SFIO, il l'a quitté, il a même été brièvement président du Conseil. Mais l'essentiel, c'est évidemment son témoignage et ce qu'il nous dit sur l'ambiance de l'époque. Gallifet s'écriant, effectivement, vous voulez le fusilleur de Versailles, eh bien, me voilà. Donc il y a un débat très vif en France. Millerand sera salué, cher Jean-Noël, par votre Clémenceau. Il sera le témoin de la démocratie sociale, dit-il, anxieuse des libertés promises. Si vous me donnez Clémenceau, je l'accepte. En revanche, le débat est donc vif chez les socialistes et je le disais, Jaurès va évoluer. Pourquoi évolue-t-il? Pourquoi va-t-il condamner Millerand? Et dans des termes violents, en 1903, le 7 mars exactement, dans son journal, il écrit dans La Petite République, « Je voudrais montrer à Millerand que la méthode qu'il prône et qu'il est dans son droit de défendre, celle d'une action contractuelle, légale, progressive, risque d'être détournée ou ruinée si la vertu révolutionnaire de la pensée socialiste n'est plus présente. » Donc il y a toujours cette idée, il faut que la révolution soit l'horizon, la perspective, la boussole. Et il ajoutera méchamment dans un article de l'Humanité en 1904, à propos de Millerand, il n'a pas seulement le goût du pouvoir, il en a la superstition. C'est d'ailleurs l'année où Millerand finit par être exclu du Parti Socialiste. Et on peut signaler qu'il a beaucoup évolué vers la droite, au point de se trouver président de la République en 1924, démissionné, si je puis dire, par le cartel des gauches, qui a refusé de le laisser nommer aucun président du Conseil avant qu'il quittât l'Élysée. 1904, c'est le congrès d'Amsterdam de l'International Socialiste, qui déjà 4 ans auparavant, à Paris, avait dit qu'on ne pouvait, pour un socialiste, entrer dans un gouvernement que si vraiment il y avait des circonstances transitoires et exceptionnelles. On a appelé cette motion la motion caoutchouc, car comment définir ces circonstances exceptionnelles? Et en 1904, de nouveau, on réinsiste sur le fait, au niveau de l'International Socialiste, qu'un socialiste peut rentrer ou que des socialistes peuvent rentrer au gouvernement que s'il y a des circonstances exceptionnelles. Et il y a eu une controverse importante et mémorable, un peu antérieure, entre Bernstein et les autres socialistes. Nous avons annoncé que nous serions parfois un peu internationaux dans notre regard. C'est indispensable. Quand on parle de cette question des rapports entre socialisme et pouvoir, on voit Jean Jaurès refuser le révisionnisme de Bernstein. Bernstein qui disait, dans le socialisme, l'essentiel c'est le mouvement plutôt que le but. C'est le grand débat de l'International Socialiste, celui autour du texte de Bernstein, les présupposés du socialisme et les tâches de la social-démocratie, qui date de 1899, la même année, qui va provoquer, susciter un débat terrible au sein du Parti social-démocrate allemand, c'est-à-dire le parti modèle pour les socialistes, celui qu'on va visiter tellement il est fort, tellement il est puissant. Et Bernstein, effectivement, est sur une position qu'on appellerait aujourd'hui réformiste. Il considère qu'il faut arrêter avec la vision catastrophique du capitalisme qu'a Marx, que les sociétés sont devenues plus complexes qu'on ne le pensait, que ce n'est pas vrai qu'on va avoir un affrontement simplement entre la bourgeoisie et le prolétariat, qui a le rôle des classes moyennes, et qu'effectivement, effectivement, le but n'est rien et le mouvement est tout. Cette fameuse phrase de Bernstein qu'on va lui reprocher tellement en lui, justement, en l'accusant de renoncer à ce but. Or, ce n'est pas ce que défendait Bernstein. Bernstein défendait l'idée qu'il y avait justement un mouvement progressif. Nous sommes dans une période où les réformistes s'organisent en Allemagne, en Angleterre avec la Fabian Society, en France aussi, où malgré tout, le débat révisionniste est introduit, mais il est introduit d'abord avec des distorsions dans les traductions. Un jeune historien, Emmanuel Lojous, l'a remarquablement démontré. Et surtout, il est impliqué dans les controverses franco-françaises. Or, quel est l'objectif de Jaurès? Pourquoi Jaurès évolue sur le cas Millerand? D'une part, parce qu'il trouve que Millerand n'arrive pas à faire ce qu'il pensait pouvoir faire au sein de ce gouvernement, mais aussi pour une autre raison, il faut à tout prix réaliser l'unité des socialistes qui va se concrétiser en 1905. Et donc, il sacrifie en quelque sorte Millerand sur l'autel de l'unité, mais en contrepartie obtient de Guède et de Vaillant, ces deux adversaires en quelque sorte qui sont sur des positions, disons, plus révolutionnaires, le fait qu'ils vont se rallier à la République et reconnaître l'importance du suffrage universel et de la démocratie. Donc, à l'époque, il refuse toute participation et on voit bien les propos d'Alexandre Millerand qui, dans le même temps, justifie sa présence au gouvernement. Et on voit déjà se dessiner des oppositions assez contemporaines. Qu'est-ce que dit Alexandre Millerand en 1902, en particulier comme président du Conseil? Du jour, dit-il en 1902, où le Parti Socialiste prend figure de parti politique, il s'associe à la bonne et à la mauvaise fortune d'un régime dont il ne peut réclamer les avantages et les bénéfices sans en accepter les responsabilités et les charges. Il me semble que Manuel Valls pourrait dire quelque chose comme ça aujourd'hui. Son devoir, le devoir du Parti Socialiste, est de devenir de plus en plus un parti d'organisation, de gouvernement, et par des moyens pacifiques, sous la loi républicaine, de transformer la doctrine socialiste de formule stérile en réalité vivante. trouvez pas que cette opposition binaire sonne assez contemporain ? Absolument, elle traverse l'histoire du socialisme français, incontestablement, entre la volonté justement de tout changer et le problème des responsabilités. Que fait-on, encore une fois, quand on est élu, que ce soit au niveau municipal ou que ce soit au niveau national ? C'est véritablement la grande inquiétude socialiste, le grand dilemme socialiste, qui est un dilemme à la fois idéologique. Qu'est-ce que veut dire le socialisme? Et donc, quel type de moyens d'action peut-on avoir? C'est un débat politique, parce que ça veut dire des stratégies, et notamment des stratégies d'alliance. C'est la grande question qui se poursuit jusqu'à nos jours. Et puis, c'est bien sûr aussi des questions de positionnement à l'intérieur du parti. On va parfois prendre le parti à gauche, et même très souvent, et donc on se met très à gauche, avant parfois de faire tout le contraire. Vous savez, en 1991, je sais que vous aimez bien passer d'une période à l'autre, cher Jean-Noël. Non seulement j'aime ça, mais c'est le principe même de cette émission, vous l'avez peut-être observé. J'ai cru comprendre. Et en 1991, il y a un texte très très violent contre Pierre Bergoglio, qui est accusé d'être un social-libéral et de faire sa politique du Francfort. Et ce texte est signé de deux socialistes importants, François Hollande et Pierre Moscovici. Voulez-vous que nous revenions un bref instant pour finir à Jean Jaurès, dans la complexité de ses positions? En effet, il choisit de se rallier à l'unité internationale, ça lui paraît important, du socialisme. En même temps, il continue de penser qu'il ne faut pas traiter les radicaux, les vrais républicains, de la même façon qu'on traiterait les adversaires, la droite installée. Il dit encore en 1908, au congrès du Parti Socialiste SFIO, il dit ceci: dans tous les cas, il ne serait pas conforme à la loyauté, à la sincérité, de dire d'avance, quoi qu'il advienne, nous ne ferons aucune différence entre ceux qui s'enfonceront décidément dans la réaction, mot d'époque, et ceux qui essaieront de s'en dégager pour se rattacher à la classe ouvrière, force organique et conquérante de la République. La bourgeoisie progressiste, comme on dit à l'époque, peut et doit devenir une alliée. D'ailleurs, on peut croire qu'en avril 1914, au moment où il y a des élections nettement à gauche et où radicaux plus socialistes ont une majorité très nette, on peut penser que Jean Jaurès a hésité à arriver au pouvoir. Il aurait pu y arriver avec Joseph Caillaux, le leader de la gauche du Parti radical. Mais comme toujours en histoire, il y a des petits événements, enfin petits. Il y a un homme pour qui ça n'a pas été petit. Des petits événements qui viennent changer le cours des choses, c'est le moment où Henriette Caillaux vient dans le bureau du Figaro tuer Joseph Calmette, directeur du Figaro, à qui elle reproche une campagne calomnieuse contre son mari, Joseph Caillaux. Le discours que vous rappelez de Jaurès date effectivement de 1908, c'est-à-dire le grand congrès de Toulouse, 3 ans après l'unification de la SFIO, et c'est, disons, le discours où Jaurès l'emporte, où Jaurès fait ce qu'on a appelé parfois la synthèse jaurésienne, où il essaye justement de défendre cette position, à la fois de concilier, disons, la révolution et le réformisme, l'évolution révolutionnaire. Ça va être le fil du rasoir sur lequel Jean Jaurès va être, qui va marquer durablement le socialisme français, incontestablement. Mais Jaurès a cette, si j'ose dire, est un Janus, il a une double face. D'un côté, cette passion pour la République, bien évidemment, parce que pour lui, elle a apporté un certain nombre de progrès et elle a apporté la démocratie. Et donc, c'est une possibilité de conquête pour la classe ouvrière, lui qui est devenu progressivement socialiste. Il a commencé comme républicain. Absolument. De gauche. Et d'autre part, cette idée du dépassement possible, de la perspective révolutionnaire, ça c'est, j'allais dire, l'ambivalence de Jean Jaurès, sa force aussi, mais qui va déterminer en partie, pas uniquement, mais déterminer en partie ce qu'on pourrait appeler la parabole, la trajectoire du socialisme français. Vous avez raison, avec des résonances jusqu'à nos jours. Alors on ne saura jamais ce qui serait passé si Jean Jaurès n'avait pas été assassiné à l'aube même de la Grande Guerre. Il est probable qu'il serait, faisons un instant d'histoire-fiction, qu'il serait entré au gouvernement comme l'a fait Jules Guesde, l'autre grand leader, son rival, ou comme l'a fait Marcel Samba, socialiste également, avec Léon Blum comme directeur de cabinet. Tout le mouvement ouvrier acceptant, en somme, de porter les armes contre l'Allemagne. Ce qui est assez bien représenté, me semble-t-il, par cette chanson que je vais vous faire entendre et qui s'appelle « Lettre d'un socialo ». Il est piquant de savoir que son auteur est Montéus, qui était l'auteur aussi de la célèbre chanson « Salut, salut à vous les petits gars du 17e » et qui devient très très, très patriote. Il gagnera d'ailleurs la Légion d'honneur, ce qui pour un chansonnier est un peu contradictoire peut-être. Mais je n'avance pas davantage dans cette direction et je me contente de vous signaler que la chanson que vous allez entendre est interprétée par Éric Amado. Le premier choc fut terrible, la mêlée indescriptible. On s'est battu comme des fous. J'ai pour ma première bataille reçu une belle entaille, mais je suis resté debout. Moi qui détestais la guerre, car je suis humanitaire, je pouvais pas en croire mes yeux. Sans vouloir jouer à l'apôtre, c'est moi qu'entraînais les autres. Oui, j'étais le plus furieux. C'est pour notre indépendance que l'on marche sans défaillance, comme si c'était le grand soir. Que l'on soit syndicaliste, anarcho ou socialiste, tout chacun fait son devoir. Certes, cela est pénible, quand on a le cœur sensible, de voir tomber les copains. Mais quand on est sous les armes, on ne doit pas verser de larmes, on accepte le destin. Qu'on sache que dans la fournaise, nous chantons la Marseillaise, car dans ces terribles jours, on laisse l'internationale pour la victoire finale, on la chantera au retour. La Marseillaise, l'internationale, Marc Lazare, tout est résumé. Absolument, magnifique chanson qui explique et qui montre un peu le climat de l'époque. Il faut se rallier à l'Union sacrée. C'est 1792 en 1914. Il faut s'opposer à la barbarie allemande, comme on disait à l'époque, pour protéger la civilisation française, qui n'est pas simplement une civilisation française de type ethnique, mais qui est la civilisation républicaine et démocratique. Et c'est vrai, toutes les études historiques l'ont montré, qu'il y a de ce point de vue-là un assez large, pour ne pas dire un très grand consensus à l'entrée des socialistes au pouvoir. Vous l'avez rappelé, Jules Guesde, ministre d'État, Marcel Samba, ministre des Travaux publics. Albert Thomas, ensuite. Et Albert Thomas, en 1915. Ministre de l'Armement, ministre. D'abord secrétaire d'État, sous-secrétaire d'État, et ensuite ministre, et qui va être le cas le plus intéressant du réformisme socialiste, il faut le dire. Et il faut s'y attarder, y compris parce que malheureusement, on n'a pas encore une biographie tout à fait complète, mais beaucoup de jeunes sont en train de redécouvrir cette figure d'Albert Thomas, parce que Guesde et Samba, en dehors de leurs nuances, eux sont là. Guesde disait « je suis là pour combattre », disait-il, mais pas pour gouverner. Marcel Samba dit « je suis là parce que les circonstances sont exceptionnelles ». Mais cela ne va pas au-delà de ça. Il faut défendre la France. Il n'y a pas, dit-il, Marcel Samba, c'est une très belle formule, il n'y a pas d'expérience doctrinale dans mon action actuelle. En revanche, Albert Thomas est dans une toute autre logique, parce que cet Albert Thomas normalien qui était à la Revue Socialiste, qui justement a lu Bernstein, sait très bien ce qui se passe en Allemagne, et sur une logique réformiste. Il y a eu l'expérience du socialisme municipal, il a une vision aussi d'expert, de technocrate, et c'est ce qui va se faire aux affaires, en quelque sorte, en situation de responsabilité. Intellectuel et technicien. Exactement. Il s'entoure de camarades de la rue d'Ulm. Exactement, et il a une vision qu'on appellerait aujourd'hui, usant un terme un peu anachronique, technocratique de son action. Mais en même temps, il tient le parti. Et on a souvent oublié cette période où, avec Pierre Renaudel, ils dirigent le parti. Ils sont majoritaires. Et ce qu'ils font, ils essayent justement, à l'occasion de cette expérience, dans des conditions terribles, de faire passer une culture réformiste. On dirait d'inventer une culture réformiste à travers l'action. Tandis que, progressivement, la guerre Durand surgit à la gauche du parti, et ses fios surgissent ce qu'on appellerait aujourd'hui des frondeurs. Exactement. Ça commence d'ailleurs dès le 15 mai 1915 dans un texte venu de la Fédération de la Haute-Vienne, de Paul Fort, qui commence une carrière qui l'amènera très loin dans le Parti Socialiste et ailleurs d'ailleurs. C'est-à-dire jusqu'à Vichy. Jusqu'à Vichy, et qui va jouer un rôle très important dans la SFIO de l'entre-deux-guerres, qui bien sûr reconnaît la nécessité de la défense nationale, mais pousse un cri d'alarme en dénonçant cette boucherie effroyable de la Première Guerre mondiale. Et puis, comme toujours, on ne peut pas faire l'histoire du socialisme, si j'ose dire, dans un seul pays. Il faut prendre en considération ce qui se passe à l'extérieur, et notamment les conférences qui se déroulent en Suisse, la conférence de Zimmerwald à la fin de l'été 1915, puis la conférence de Kiental en 1916, où un certain nombre de socialistes internationaux s'opposent de plus en plus aux politiques d'Union sacrée, demandent la fin de la guerre, la fin des hostilités, et en appellent à la solidarité prolétarienne et à la sortie du gouvernement. L'homme qui va un peu symboliser ça dans le cadre du socialisme français, c'est l'un des petits-fils de Karl Marx, c'est Jean Longuet, qui d'ailleurs va créer en 1916 un journal, Le Populaire, pour s'opposer à l'humanité qui est aux mains des majoritaires. Comme en plus il y a une grande lueur à l'Est à partir de 1917, c'est-à-dire la révolution qui va installer les bolcheviks au pouvoir, cela introduit une autre donnée importante. Et cela confirme pourquoi cette période de 14-18 est si importante du point de vue qui nous occupe ce matin, Marc Lazare, c'est-à-dire l'histoire des socialistes au pouvoir et de la permanence d'apparition de refus sur la gauche du dit parti. Exactement, ça c'est la grande lueur à l'Est va être un facteur encore plus déstabilisant pour Albert Thomas et ses camarades au sein du Parti Socialiste et progressivement ils vont perdre la majorité au sein du Parti Socialiste en 1918. C'est le cas, c'est la minorité qui est devenue majorité et c'est très intéressant de voir du coup le destin de Thomas. C'est le seul cas d'ailleurs dans notre histoire, peut-être les frondeurs ne le savent-ils pas aujourd'hui, le seul cas où une opposition à la gauche du socialisme au pouvoir a finalement réussi, au moins pour un temps, à installer son autorité. Les communistes sont majoritaires au congrès de Tours en 1920 contre ceux qui restent socialistes avec Léon Blum qui garde, selon un mot fameux, la vieille maison. Alors une partie de la minorité autour de Longuet qui était hostile à Albert Thomas en particulier, notamment à partir de 1917, cette minorité ne va pas toute se rallier aux communistes. Mais effectivement, en 1920, décembre 1920, les communistes sont majoritaires, ou plus exactement la motion d'adhésion à la Troisième Internationale est majoritaire et donc on va avoir la naissance en France d'un parti communiste qui va en quelque sorte obséder la gauche française au moins pendant 50 ans, jusqu'à la fin des années 70, début des années 80, avec des moments en quelque sorte de hautes eaux communistes et des moments de basses eaux communistes, mais qui va être en quelque sorte une culpabilité permanente pour les socialistes parce qu'il y a quelque chose à gauche, il y a un aiguillon à gauche, parfois même un parti qui, après la Seconde Guerre mondiale, sera dominant à gauche jusque à la fin des années 70 et qui va en quelque sorte être le subconscient des socialistes et par sa critique systématique de ce que font les socialistes va aussi influencer beaucoup les rangs des socialistes. C'est en grande partie à cause de la concurrence du communisme que les socialistes, au moment des élections de gauche de 1924, refuse d'être au gouvernement. C'est ce qu'on appelle le cartel des gauches. Édouard Herriot, le radical, étant président du Conseil, les socialistes inventent pour la première fois l'idée de soutien sans participation, ce qui sera également l'attitude des communistes 12 ans plus tard au moment du Fonds populaire en 1936. Oui, on a des rejeux comme ça assez étonnants en 1924, puis en 1932 aussi. Les néo-cartels. Exactement. Les socialistes sont dans une position intenable. Ils sont soutien des gouvernements. Herriot, en 1924, passe ses nuits à négocier avec les socialistes. Buvant tasse de café sur tasse de café pour essayer d'expliquer ce qu'il fait aux socialistes. Et les socialistes essayent de dire ce qu'ils voudraient qu'ils fassent. Mais on retrouve Renaudel et vers 4h du matin, il dit, en reculant sa chaise à Herriot ou à ses partisans, « Et maintenant, causons !» Et donc, il y a cette position des socialistes qui sont encore une force importante. Le défi communiste est là, mais les socialistes, finalement, l'ont pour le moment, en tout cas jusqu'au milieu des années 30, sont encore majoritaires au sein de la gauche. Ces socialistes soutiennent le gouvernement, mais ne veulent pas y participer. En gros, le Parti Socialiste est une grande force politique, mais qui ne veut surtout pas se frotter au pouvoir. D'où, ce que l'on rappelait au début de cette émission, la tentative de Léon Blum de régler cela théoriquement par sa distinction, en 1926, de l'exercice et de la conquête du pouvoir. Mais en 1936, les socialistes y sont, cette fois-ci, avec le Front Populaire. Léon Blum est très optimiste. Encore, il explique ceci. Lorsque nous nous sentons parfois enfermés dans les divisions, dans les dissensions, les intrigues. Nous n'avons qu'une chose à faire, monter un peu plus haut. Nous devons regarder le but et nous verrons que nous sommes profondément d'accord. Disons que c'est un peu prendre ses désirs pour les réalités. Il est notable que dans ces années 20, vous l'évoquez brièvement tout à l'heure, Marc Lazare, il est notable que se développent des expériences de socialisme municipal. Il faut toujours avoir des focales différentes. Et là, concrètement, on voit des maires socialistes qui assument le pouvoir à hauteur des villes souvent importantes de la région parisienne, en particulier je pense à Henri Cellier, à Suresnes, ou à l'arrière-grand-père de Nathalie Kosciusko-Morizet, André Morizet, d'abord communiste, ensuite socialiste. et d'autres grandes villes en dehors de la région parisienne, Albert Bedous à Toulouse, Jean-Baptiste Lebas à Roubaix, Roger Salingros à Lille, et qui sont donc à la tête de très importantes communes et qui sont donc encore une fois en situation de responsabilité, qui doivent régler un certain nombre de questions. On retrouve le grand débat de la fin du 19e siècle sur les régies municipales. Qu'est-ce que peut faire la municipalité? Quel type de service public? La notion est absolument fondamentale. Quelle politique de l'hygiène? Quelle politique de l'urbanisme? Quelle politique de soutien au système scolaire? Tout autant de questions qui perdurent jusqu'à nos jours. Avec des concessions d'ailleurs souvent à leur aile droite. Et sur place, des frondeurs, le mot est anachronique, mais prenons-le aujourd'hui, Marc Lazard, des frondeurs qui leur reprochent précisément ce type d'alliance. Et en même temps, certains de ces socialistes élus sur des positions qu'on appellerait, disons aujourd'hui, de frondeurs, quand ils sont en responsabilité, font exactement la même politique que les suppôts du réformisme. Ne le dites pas trop haut, ce serait désobligeant à l'égard de nos frondeurs. Et puis, des alliances avec les radicaux, parfois même dès le premier tour, pour conquérir des municipalités. Alors on se retrouve dans une situation paradoxale, car ces hommes, puisque ce sont essentiellement, et même à 100% des hommes, étant donné que les femmes n'ont pas accès au suffrage universel à l'époque, ces hommes acquièrent une expérience par leur activité. Mais ils ne sont pas reconnus dans le parti, ils sont mis de côté dans le parti. Par exemple, lorsque vous regardez les congrès de la SFIO, on écoute d'une oreille très peu attentive ce qu'ils racontent. Ils ne pèsent pas dans le parti. En revanche, il pèse dans les commissions parlementaires. Cela a été très bien démontré par la très belle thèse d'Aude Chamoir sur le socialisme municipal de l'entre-deux-guerres, où elle a montré cette contradiction, très faible influence dans le Parti socialiste, mais très forte influence au sein des commissions parlementaires, au point qu'on peut dire que le socialisme municipal a été un vecteur des premières formes de l'État social grâce à ces expérimentations, qui d'ailleurs sont aussi parfois communes, paradoxalement, à ce que font les communistes, qui aussi vont commencer à conquérir des municipalités. Et puis, pour parler de 1936, lorsque Blum constitue son gouvernement... Nous y voilà, parce que là, nous sommes au niveau national. Et un certain nombre de ces maires se retrouvent au pouvoir. On a là, en 1936, un moment où les socialistes municipaux sont en responsabilité nationale. C'est le moment, bien sûr, du gouvernement Léon Blum, à partir de 1936, et qui va durer un peu moins d'un an, mais qui va marquer l'histoire de la gauche française et même européenne. Avec les grandes réformes du début, les accords Matignon, les congés payés, etc. Et puis, progressivement, sentiment que la capacité de changer les choses s'effrite, pour des raisons notamment économiques. Et le propos de Léon Blum que je vais maintenant vous faire entendre, je l'ai choisi à dessein après quelques mois. C'est un propos qu'il tient à Toulouse, le 24 octobre 1936. Si nous voulons descendre un peu profondément dans la réalité des choses, quel est le sens vrai de cette expérience? Elle permettra à la France, elle permettra aux républicains de France, au peuple républicain de France, de se rendre compte s'il est ou non possible de constituer dans ce pays et dans ce moment de l'histoire un gouvernement de démocratie active, reposant pour la première fois sur la coalition et sur la collaboration, soit dans le gouvernement, soit hors du gouvernement, de toutes les forces populaires. L'expérience, elle permettra de se rendre compte s'il est ou non possible, dans la France actuelle, de faire marcher d'accord le progrès social et la prospérité économique, s'il est possible ou non de concilier la justice sociale et la concorde civique. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Tout est là, me semble-t-il, Marc Lazard, et on est renvoyé, dans cette belle langue de Léon Blum, on est renvoyé à nos problèmes contemporains, nos incertitudes actuelles, justice et concorde, prospérité économique et progrès social. Voilà ce que l'expérience, le mot est frappant, ce que l'expérience qu'a conduite Léon Blum s'efforce de réaliser avec un mélange de détermination et d'incertitude, de doute. Oui, c'est une expérience qui me semble correspondre à ce qu'il avait proposé en 1926, donc 10 ans auparavant, sur l'exercice du pouvoir. Il ne s'agit pas ici de construire le socialisme, ce n'est pas la conquête du pouvoir. C'est toutes les forces. Absolument, aussi. Et c'est l'ensemble des républicains, dit-il. Et on pourrait dire aussi, lorsqu'il insiste sur la formule de démocratie active, on dirait dans notre langage contemporain de la Ve République, assurer des formes d'alternance. Parce qu'il dit toutes les forces populaires, qu'elles soient dedans ou hors du gouvernement, à qui fait il allusion quand il pense hors du gouvernement, au Parti communiste français qui a fait une percée électorale extraordinaire aux élections de 1936. Le dirigeant du Parti communiste français, Maurice Thorez, qui est jeune à l'époque, voulait rentrer dans le gouvernement, mais Moscou lui a interdit. On le sait maintenant, les archives l'ont très bien démontré, on en avait beaucoup hésité. Maintenant, la preuve irréfutable est arrivée, et Maurice Thorez aurait voulu rentrer au gouvernement. Remarquez ce que nous dit Léon Blum, il faut prendre en considération cette force à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on sent qu'il a l'idée, il faut intégrer le Parti communiste français à la vie républicaine. Alors c'est une époque où Léon Blum a encore cette idée que les socialistes et les communistes sont en quelque sorte des frères séparés provisoirement. Quand on lit le fameux discours du Congrès Tours en 1920, il avait cette idée-là. Il ne voulait pas une fracture irrémédiable. Il la verra après l'approbation par les communistes du pacte germano-soviétique et à l'échelle humaine, il parlera non plus d'un parti internationaliste à propos du parti communiste, mais d'un parti nationaliste étranger. Et en même temps, naît sur la gauche, se développe sur la gauche du gouvernement Léon Blum et dans le Parti Socialiste, une opposition qui est intéressante pour nous ce matin, puisqu'on parle de l'antériorité des mouvements frondeurs, quitte à être un peu anachronique quant au vocabulaire, mais peu importe, dans l'histoire du socialisme. Marceau Pivert incarne cela, celui qui, une fameuse formule, tout est possible, et qui écrit pour... un réformisme radical, les populations, je cite, ne s'embarrassent pas de considérations doctrinales compliquées, mais d'un instinct sûr. Elles appellent les solutions les plus substantielles, elles attendent beaucoup. Écoutez bien, elles ne se contenteront pas d'une modeste tisane de guimauve portée à pas feutrés au chevet de la mère malade. Vous avez raison de rappeler le rôle de Marceau Pivert, qui était un des dirigeants de la Fédération de la Seine du Parti Socialiste. Et c'est intéressant de voir qu'effectivement, cette critique de gauche du gouvernement Léon Blum, qui en plus est liée à ce qui se passe en Espagne, évidemment, le coup d'État du général Franco et la guerre civile qui éclate à l'été 1936. Et la non-intervention. Et finalement, le choix dramatique qu'est obligé de faire Léon Blum de la non-intervention. Ça vient du Parti Socialiste, parce que le Parti communiste, lui, soutient la politique, entre guillemets, modérée de Léon Blum pour des raisons de politique internationale, d'alliance avec l'Union soviétique contre le danger allemand. À part quelques militants trotskistes, il y a toujours un peu de trotskistes en France, dans ces mouvements sur la gauche de la gauche. Marceau Pivert est, lui, la véritable figure de la contestation. Vous avez rappelé ce qu'il a dit en 1936, mais en octobre 1937, alors que Camille Chautemps a succédé à Léon Blum, il fait un bilan dans une petite brochure de l'action, justement, de Léon Blum. Chautemps est un radical. Est un radical, absolument. Et il dit finalement, SFIO, comme les autres partis socialistes démocrates d'Europe, ont été utilisés par le grand capital financier pour neutraliser l'action directe prolétarienne au moment où elle aurait pu réussir. Et puis ils ont été, dit-il, rejetés après épuisement pour laisser la place au fascisme. La critique est d'une grande violence, mais c'est toujours cette idée que finalement, il y a des sociotraîtres. Et Marceau Pivert, qui est pourtant un socialiste, développe à son tour cette idée, qui sera très souvent reprise, toujours cette idée au service du capitalisme financier. Les meilleurs défenseurs, finalement, du capitalisme financier, on dirait aujourd'hui le néolibéralisme, seraient donc les socialistes réformistes. Marceau Pivert va aller très très loin, parce que dans sa critique, il va par exemple s'en prendre à la politique de réarmement qu'a commencé Léon Blum en dénonçant ce qu'il appelle la plus formidable escroquerie de l'histoire. Nous sommes en 1937. Marceau Pivert ira encore plus loin parce qu'il va scissionner. Et ça aussi, c'est une des grandes caractéristiques de l'histoire politique de la gauche, c'est les scissions permanentes. Et il va créer un petit parti, le Parti Socialiste Ouvrier et Paysan. Mais ces scissions, en général, n'ont pas abouti à des influences majeures. Ça, c'est peut-être, voyez-vous, la grande leçon qu'on peut tirer de nos réflexions sur ces expériences de gauche. Oui, il y a chaque fois des ruptures, il y a chaque fois des critiques et parfois la tentation de créer des partis alternatifs, de sortir du socialisme. Si on met bien sûr à part le cas du Parti communiste. Parlons ici de la famille socialiste. Le Parti socialiste ouvrier et paysan de notre ami Marceau Pivert va échouer très rapidement, y compris par des dissensions internes, car les petites formations trotskistes, les petits trotskistes vont rentrer dedans et ça va compliquer les affaires de Marceau Pivert. Et puis on pourrait prendre d'autres exemples. Après la 4e République, lorsque va se constituer le Parti socialiste autonome en 1957. PSA. Et puis ensuite le Parti socialiste unifié, qui va être un petit parti qui n'a pas eu un grand succès électoral, c'est moins compliqué. Mais qui a une grande influence intellectuelle. C'est peut-être la plus belle réussite des frondeurs, si on veut bien les appeler. Faible influence politique, mais véritable, presque magistère intellectuel de nouvelles idées qui sont sorties de ce laboratoire, justement, d'idées qu'était le Parti Socialiste Unifié. Proche du club Jean Moulin, par exemple. Certains, d'autres plus radicaux, un parti très conglomérat. Il faut rappeler aux auditeurs qui ne le savent pas que Michel Rocard en a été un des représentants les plus illustres, avant de rejoindre le Parti Socialiste de François Mitterrand. Mais justement, il a rejoint le Parti Socialiste, voilà. Ce qui est topique, ce qui est éclairant. Exactement. Son influence, sa carrière, à la fois concrète et symbolique, puisque beaucoup de gens de qualité se sont agrégés autour de lui, ne s'expliquerait pas probablement s'il était resté comme ça à la marge. On peut d'ailleurs citer aussi la scission organisée par Jean-Pierre Chevènement, que je faisais écouter à dessein au début de cette émission, un personnage considérable dont la personnalité a toujours été marquante dans la vie publique et qui néanmoins, lorsqu'il a organisé la scission avec le mouvement des citoyens, a assez vite abouti à l'échec d'une véritable influence. Vous avez tout à fait raison, et c'est 10 ans après le discours qu'on a entendu au début de notre émission, c'est-à-dire en 1993. Jean-Pierre Chevènement a cru avoir son heure de gloire, notamment pour l'élection présidentielle, où on lui prédisait, vous souvenez, d'être le troisième homme de celui qui pouvait perturber tout le jeu politique. Il a réuni, vous avez tout à fait raison, Jean-Noël Jeannet, une série d'intellectuels prestigieux qui se retrouvaient dans l'idée républicaine. On parle de l'élection présidentielle de 1995. Effectivement, il a rassemblé aussi des intellectuels qui se retrouvaient dans cette idée de la République que portait, qu'a presque toujours porté Jean-Pierre Chevènement, une fois qu'il est sorti un peu du marxisme socialiste des années 60, de sa critique de Guy Mollet. Du CRS. Et puis même parfois du flanc gauche de François Mitterrand. Et puis il y a un autre échec, me semble-t-il, ça ne lui fera pas plaisir ce que je vais dire maintenant, cher Jean-Noël Jeannet, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon qui sort du Parti Socialiste en 2008, qui crée le Parti de Gauche et qui se désespère, en tout cas pour le moment, du fait qu'il n'arrive pas à percer électoralement. C'est un grand tribun, il aime beaucoup être en vedette dans les médias, il se prépare pour une future échéance, celle de l'élection présidentielle, il refuse toute perspective de primaire de la gauche. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi un élément à prendre en considération dans cette histoire que l'on reconstitue, c'est que tous ces frondeurs sont toujours très divisés au final. Sur le contenu de leur politique, c'est facile de critiquer, mais pour faire quoi à la place des réformistes? Oui, il n'y a pas une grande affection apparemment. Il ne faut pas avoir l'oreille très fine pour s'en rendre compte actuellement entre le Parti communiste de Pierre Laurent et des autres, et d'autre part Jean-Luc Mélenchon. Il y a même deux points de désaccord fondamentaux. D'une part, faut-il ou pas faire des alliances avec le Parti socialiste? Et le Parti communiste aujourd'hui souhaite encore des alliances, y compris parce qu'il lui reste des élus. Et s'il veut sauver ses élus, il faut des alliances avec le Parti socialiste. Jean-Luc Mélenchon les refuse. Et puis une autre question clé, c'est la question de l'Europe. Pierre Laurent, le dirigeant du Parti communiste français, a commandé un rapport à des économistes du Parti communiste qui dit qu'il ne faut surtout pas sortir de la zone euro, alors que Jean-Luc Mélenchon envisage de plus en plus sérieusement cette hypothèse. Portons-nous, si vous le voulez bien, Marc Lazare, maintenant, à la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, puisque le Parti socialiste, je dirais, n'a jamais été aussi présent au pouvoir que à ce moment-là. C'est après le départ du général de Gaulle le 20 janvier 1946, les socialistes vont connaître une période de participation et même de direction du gouvernement de la France avec Félix Gouin qui succède, socialiste c'est obscur, mais qui succède à Charles de Gaulle. Et puis ensuite il y aura Paul Ramadier et puis Guy Mollet qui s'empare du Parti Socialiste sur sa gauche. C'est une bonne façon, paraît-il, d'en gagner les commandes, quitte ensuite à évoluer, Guy Mollet devenant en 1956 président du Conseil, celui de la guerre d'Algérie. Entre-temps, il y aura un président la République socialiste, qui a été le ministre des Finances du Front Populaire, c'est-à-dire Vincent Auriol. Et puis il y a un ministre de l'Intérieur qui marque beaucoup, c'est Jules Moch. Jules Moch, à qui il revient de réprimer avec beaucoup de vigueur, beaucoup de force, beaucoup de détermination, les grèves de 1947 et 1948. On est presque au bord d'une sorte de guerre civile, du côté des mines en particulier. Et naturellement, on revient à des comparaisons historiques, puisque certains disent, au fond, Jules Moch, c'est le Noske de notre France, c'est-à-dire l'homme social-démocrate qui avait écrasé dans le sang la révolte spartakiste de Rosa Luxembourg après la Première Guerre mondiale. Absolument, la Quatrième République va naître dans un contexte international très difficile puisque c'est celui de la guerre froide. Guy Mollet s'empare du Parti Socialiste, vous venez de le rappeler. Il va avoir des rapports très très compliqués avec Paul Ramadier qui est un parlementaire qui n'est pas tellement un homme de parti. Et Guy Mollet essaye de mettre sous contrôle Paul Ramadier et va tellement le mettre sous contrôle qu'au bout d'un moment, Paul Ramadier, qui a retiré d'ailleurs la délégation ministérielle aux communistes le 4 mai 1947, va être obligé de démissionner en novembre 1947. Mais effectivement, un des grands ministres est Jules Moch. Jules Moch qui réprime le complot, comme il disait, communiste, ces grandes grèves insurrectionnelles liées à une situation sociale épouvantable en France, notamment chez les mineurs, chez les métallurgistes, et qui vont en même temps être des grèves insurrectionnelles où le Parti communiste et la CGT ont joué un jeu un peu trouble. Eh bien, pour restituer l'ambiance de l'époque, ce sera notre dernière archive. Marc Lazare, écoutez cet extrait de la Tribune de Paris, vous savez, cette émission où nous trouvons souvent des archives intéressantes. Le 14 juin 1947... on entend André Carrel, qui est journaliste à l'Humanité, le journal du Parti communiste, le journal fondé par Jean Jaurès, mais qui depuis 1920 est sous la houlette du Parti communiste, et d'autre part, Noguer, Henri Noguer, qui est un journaliste socialiste, populaire, c'est le quotidien du Parti socialiste à l'époque, de la SFIO. Écoutez la manière dont il s'affronte au micro de la radio d'État. Mais en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que le Parti socialiste est malvenu ici de dire que le projet est un projet qui, en définitive, sera favorable aux classes moyennes et aux classes travailleuses. Non, seulement il veut camoufler le fait qu'il n'y a absolument rien dans ce projet de diriger contre les sociétés, contre les personnes morales qu'on n'a pas du tout attaquées. Lorsque Jacques Duclos, cette nuit, à la Commission des Finances, a essayé de revenir sur son projet qu'il avait déjà déposé à la consultative pour essayer de faire payer dans l'impôt de solidarité les sociétés morale, eh bien, les commissaires socialistes, comme les autres commissaires, ont voté contre le projet Jacques Duclos. Eh bien, le PRL vote contre Oh oui, bah, vous n'allez pas demander au PRL, qui ne porte aucune responsabilité dans le gouvernement, de prendre la responsabilité de mesures aussi impopulaires. C'est trop facile, ça, comme argument. C'est la même position que la vôtre. C'est vous qui êtes des démagogues dans cette histoire. Non, mais il a la même position que la vôtre, si je comprends. Je voudrais simplement dire ceci pour terminer, parce que d'autres camarades ont à parler sur cette question. Eh bien, je voudrais dire que Noguer, tout simplement, essaye de camoufler les difficultés qu'il a à l'intérieur de son propre parti. Il sait très bien que tous les députés socialistes ne sont pas d'accord, et le vote intervenu hier soir l'a bien prouvé, et les députés socialistes qui se rendent compte qu'on veut, que la réaction veut leur faire porter la responsabilité des mesures impopulaires, réagiront, j'en suis persuadé, comme il convient à l'Assemblée nationale. Il n'y a qu'à voir l'article du Monde ce soir. On se croirait au Veldiv. Jean Tetgen, monsieur. Oh, vous n'y allez jamais, vous, alors. Mais si, pour vous écouter, c'est pour Jean ça que je dis Tetgen, ça. Jean Tetgen, messieurs. Eh bien, messieurs. Jean Tetgen, c'est le démocrate chrétien qui s'amuse de cet affrontement entre socialistes et communistes. On observe que le journaliste communiste est en train de nous dire, du côté des socialistes, il y a une fracture qui se dessine, certains repoussant la position des dirigeants de la SFIO. Absolument, parce que la situation économique et sociale du pays est très difficile. Les souffrances sociales sont fortes, et ça aussi, c'est un élément à prendre en considération dans les contestations de la gauche au pouvoir. Car il y a aussi des éléments de sincérité socialiste, des socialistes qui se disent, comme certains aujourd'hui, la situation sociale est absolument désastreuse, les inégalités se creusent, les classes populaires souffrent, et par conséquent, il faut changer de politique. Mais encore une fois, quelle politique alternative? Au moment de ce débat, donc, nous sommes en juin 1947, le Parti communiste français a été mis dehors du gouvernement. Il n'est pas encore rentré totalement en guerre froide, il va le faire en septembre 1947 avec la constitution de ce qu'on appelle le bureau d'information des partis communistes, le Cominform. Et là, ça va être un affrontement terrible entre socialistes et communistes, une haine entre socialistes et communistes. Et les socialistes, c'est vrai, sont mal à l'aise. D'ailleurs, Guy Mollet souhaitait que Ramadier démissionne du gouvernement, que le gouvernement démissionnât. Et finalement, ça ne s'est pas fait, mais les socialistes sont embarrassés. Ils pensent encore une fois, on retrouve les dilemmes, il faut quand même préserver la République. Et c'est vrai que ça secoue à l'intérieur du Parti Socialiste, qu'il y a des remous à l'intérieur de la SFIO, mais la confiance est maintenue au final. Et ça sera finalement le grand dilemme de ce qu'on a appelé les gouvernements de troisième force. Entre 1947 et 1951... Troisième force, ça veut dire qu'on se situe entre les gaullistes d'un côté, le RPF, et d'autre part les communistes. Les deux ennemis, et les socialistes sont tout à fait clairs là-dessus, il y a le danger putschiste, bonapartiste du général de Gaulle d'un côté, et puis le danger de ces communistes qui ne sont pas simplement à gauche, comme le dira Guy Mollet, mais à l'Est. Mais c'est la période, au fond, où il y a le moins de frondeurs. Ils vont ressurgir, naturellement, j'emploie le mot de façon anachronique, délibérément, ils vont réapparaître à propos de l'immense défi de la décolonisation, et en particulier de la guerre d'Algérie. Avec le gouvernement Guy Mollet, ce gouvernement qui a fait beaucoup de choses, cela dit, ou qui a tenté de faire des choses, qui a signé en particulier le traité de Rome, qui a donné une troisième semaine de congés payés, qui a fait un minimum vieillesse, mais ce que l'on retient évidemment, c'est l'expédition de Suez, et d'autre part, la politique en Algérie. Alors là, cette fois-ci, on va voir ressurgir à la gauche du parti des protestations et bientôt des scissionnistes. C'est minoritaire. Le Parti Socialiste est très affaibli et le corps du Parti Socialiste, constitué justement de militants, de socialistes municipaux et puis d'une partie de ce secteur public qui est devenu la grande ressource électorale du Parti Socialiste, les instituteurs essentiellement, sont toujours fidèles au socialisme de Guy Mollet, aux pratiques gouvernementales de Guy Mollet. Mais en revanche, dans des milieux plutôt intellectuels, chez les étudiants, commence à se développer la critique de Guy Mollet, ce qu'on va appeler le molletisme, c'est-à-dire ce mélange de rhétorique très radicale et de politique tout à fait modérée. Et puis, bien sûr, la sensibilité très forte sur les questions coloniales, la volonté de décolonisation. Et toujours cette idée, on peut créer une nouvelle gauche qui va aboutir à différentes petites formations, l'Union de la gauche socialiste, et puis ensuite le Parti socialiste autonome et le Parti socialiste unifié. Et puis en plus, il y a un autre événement, c'est 1958 et l'attitude de Guy Mollet. Guy Mollet va effectivement approuver le retour du général de Gaulle au pouvoir, parce qu'il a une obsession qu'avait très bien montré René Raymond dans un de ses ouvrages sur le retour de Gaulle au pouvoir, éviter absolument les risques de guerre civile. Et par conséquent, il faut soutenir de Gaulle en espérant négocier quelque chose avec lui, et un certain nombre de socialistes participent au gouvernement qui va de juin 1958 à décembre 1958. Il restera un seul socialiste dans le premier gouvernement d'Aubray de Jean-Pierre. Bouloche. Bien évidemment, André Bouloche. Mais ça, ça crée une nouvelle rupture à l'intérieur des socialistes et une critique très forte de la part de la gauche, disons, socialiste à l'encontre de Guy Mollet. La SFIO va rentrer dans une crise durable jusqu'en 1969, où d'abord Alain Savary va créer le nouveau Parti Socialiste, et puis 1971, François Mitterrand va s'emparer du Parti Socialiste. Au congrès d'Épinay. Au congrès d'Épinay, mais avec, justement, cette idée, surtout pas recommencer, l'expérience de la troisième force, qui est considérée comme désastreuse. Et ça nous amène au débat d'aujourd'hui. Évidemment, avec qui s'allier? Faut-il toujours favoriser l'union de la gauche, comme le pensait François Mitterrand, pour des raisons d'ailleurs absolument pas idéologiques, à la différence de Guy Mollet, mais des raisons pratiques, s'emparer du pouvoir et au passage prendre les voix des communistes? On prend le parti sur sa gauche, là encore, Épinay, c'est très clair. Avec la lutte contre le capitalisme, qui n'est pas pour la rupture avec le capitalisme et la lutte contre l'argent n'est pas socialiste, proclame François Mitterrand dans cette envolée lyrique au congrès d'Épinay. Et c'est une question qui va obséder les socialistes au gouvernement, par exemple avec Michel Rocard en 1988, qui va ouvrir à des centristes, ce qui va d'ailleurs radicaliser là encore les ruptures à l'intérieur du Parti Socialiste. Le courant de la gauche socialiste va critiquer violemment Michel Rocard pour ça. Et puis on arrive jusqu'à Manuel Valls, dont tout le monde sait, il ne s'en cache pas, qu'il souhaiterait lui recomposer le Parti Socialiste, quitte à le changer de nom, pour essayer de s'allier avec des forces plus centristes. Eh bien, je vous remercie d'atterrir. Vous avez sorti votre train d'atterrissage, d'atterrir si efficacement au moment où il convient de le faire, c'est-à-dire de retrouver notre actualité, à propos de laquelle nous avons parcouru plus d'un siècle d'histoire de France. Vous avez publié, entre autres ouvrages importants, un livre sur le communisme, sous-titre « Une passion française », édité en 2005 et réédité récemment, dans la collection Tempus chez Perrin. Samedi prochain, nous parlerons, en restant en France, nous parlerons de la Troisième République et de la violence anarchiste, avec comme sous-titre « Liberté ?» ou « Sécurité ?» Je n'ai pas besoin, je pense, de signifier l'actualité de ce sujet. Et pour en parler, je recevrai Jean Garrigue.